dans le concept de non-dualité, en fait, il n'y a pas le mur, il n'existe pas. Et dans ce concept-là, il n'y a pas à avancer quelque part, puisqu'il n'y a rien à aller chercher. Tout se réalise dans le ici et maintenant. En fait, quand tu as l'impression de te prendre un mur, en fait, tu es tout simplement dans ta création, dans ta créativité intérieure, de créer de la souffrance ou de créer de la joie, mais là, en l'occurrence, c'est un mur. Et tu crées le mur, tu crées l'obstacle. Parce que tu crées cette sensation d'avancer. Forcément, on est conditionné par nos sens, donc on est conditionné par le temps qui passe. Et donc, le temps qui passe, c'est ancré en nous. Donc, effectivement, on a cette impression d'aller quelque part. Oui, on va tous quelque part, puisqu'on est et on meurt. Ça s'appelle l'impermanence, mais l'impermanence, elle n'a pas de destination. Donc, on va nulle part. On vit des accumulations d'expériences. C'est aussi la définition de la conscience sur l'accumulation d'actes de conscience. La définition de l'esprit sur l'accumulation d'actes de conscience. Donc d'expérience. Donc tu comprends que si tu te dis je dois absolument avancer pour pas me prendre le mur, mais en fait ça reste une conception duelle. Donc la conception non duelle, c'est quoi que je fasse ou que je sois, je suis cela. Donc il n'y a pas de mur, il n'y a pas autre chose que cela. Si c'est un mur, c'est un mur. Si c'est de l'eau, c'est de l'eau, et j'accueille pleinement ce qui se passe. Donc je ne crée pas de dualité par rapport à ce qui se passe. Je suis dans l'accueil, dans le total accueil. Tu comprends la nuance? Elle est très importante, Elle est fondamentale. Ouais. C'est pour ça que toi, le fait, la phrase que j'exprimais, c'était de dire justement, au début, on conçoit qu'il y a un chemin. Et ensuite, on comprend que nous sommes le chemin individuellement. Je suis le chemin, puisque je suis la vie dans le ici maintenant. Et quand je vais plus loin dans ma pratique et dans mes perceptions, j'accueille pleinement que le chemin n'existe pas, puisqu'il n'y a qu'une accumulation d'actes de présence dans le ici maintenant. Donc il peut pas y avoir, la ligne droite n'existe pas. La ligne droite, c'est un effet d'optique visuel, c'est une accumulation de points. Et comme vous resserrez les points et que vous les regardez, ça fait une ligne droite. Mais il n'y a rien qui existe en tant que trait qui définit une ligne droite. C'est qu'une accumulation de points sur le papier, de microparticules. Vous comprenez? Ça, c'est intéressant de comprendre. Alors, c'est intéressant quand on est un peu fou, sinon autrement on fait autre chose. Mais c'est toujours intéressant de comprendre cela pour justement apprendre à lâcher prise sur ces conceptions que l'on a de se dire, je me prends un mur, je suis face à un obstacle. Non, je suis face à ma propre création. Alors maintenant, l'exercice demande du temps pour transformer cette compréhension en quelque chose qui est de l'ordre du total accueil. Là, ça passe par, c'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Ça passe par la méditation, le calme de l'agitation, les enseignements que vous recevez, la pratique, etc. Et puis, à un moment donné, l'ego, il transcende. Tac. Ça y est, il permute, il switch, il passe de l'autre côté. Et là, ça s'ouvre. C'est juste une question de pratique, de délai. On va dire ça. De patience et de persévérance.